tristes, non jamais ne sont les vagues de la mer. Le jazz énervant dans le vent joue un joyeux air. Gaiement elles viennent me chercher et me font des signes d'approcher, quand la mer joyeusement m'appelle comme une sorte d'enchantement, m'envahit brusquement. Écoute donc, murmure-t-elle, viens, viens donc apprendre la chanson de l'éternelle fascination. Quelque chose dont la mer appelle m'emplit d'un millier de frissons. L'été, sur la plage, avec rage, où hurle la roue, des femmes riant et criant, pardon, je m'en fous. Gentiment tournant de tous côtés, elles font admirer bien des beautés, quand la mer joyeusement m'appelle comme une sorte d'enchantement, m'envahit brusquement. Écoute donc, murmure-t-elle, viens, viens donc apprendre la chanson de l'éternelle fascination.